Quelques jours plus tard, un homme très élégant, un habit et chapeau de soie, portant à la main une paire de gants blancs, s'avance d'un pas assuré sur le quai de Rive-Neuve. Le chauffeur du ferry-boat, toujours aussi sale, saute à bas de la borne sur laquelle il était assis, ramasse une orange pourrie et la lance si adroitement que le chapeau de soie vole dans la boue. Le monsieur se retourne furieux, c'est Maître Panisse. Il ramasse son chapeau et marche vers le chauffeur terrorisé. Oh, pour bien ! Oh, mange punaise ! Et c'est le chauffeur des certes-filles encore ! Et le plus malheureux, c'est que l'orange était pourri. L'orange était pourri ? Oh, pas connier ! Tu peux pas prendre une orange neuve pour un chapeau de 300 francs ? Vous avez pas reconnu, monsieur ! Allez, viens ici ! Viens ici où j'appelle le commissaire ! Allez, viens ici ! Et tourne-toi, que je te donne le coup de pied que tu mérites ! Oui, mais pas trop ! Allez, tourne-toi ! Le chauffeur résigné lui tourne le dos et se courbe pour offrir son maigre derrière à la punition méritée. Et puis je l'ai pas fait exprès, je vous ai pris pour un Américain. Tu m'avais pris pour un Américain ? À part de rire, monsieur Panisse, si vous pouviez vous voir. Panisse, flatté, renonce au coup de pied vengeur. Tout en brossant son chapeau avec sa manche, il se tourne vers les badauds accourus. Mais dites, il m'avait pris pour un Américain, hein ? Après tout, c'est possible. Repos ! Dans le fond, ce n'est pas tout à fait de sa faute. Mais toi, à l'avenir, chaque fois que tu verras un Américain, fais bien attention que ce ne soit pas moi. Viens, monsieur Panisse. Il s'éloigne dignement.